Je conduis depuis 2 heures et il est sans doute urgent que je fasse une pause. Encore faut-il choisir le bon endroit. Ce marquage en damier de couleur rouge et blanche symbolise une voie de détresse destinée à arrêter un véhicule en perdition. Ce panneau signale l'existence de la voie de détresse. Je dois chercher ailleurs un endroit où me reposer en toute sécurité. Réponse B.